Et Dieu créa Dieu à l'image de Dieu. Et par humilité, il l'appela homme. Le plus grand concours musical en Mauricie, les Mardis de la Relève du Gambrinus, en sont maintenant à leur 14e édition et c'est maintenant le temps de t'inscrire. Plus de 10 000 $ en prix seront remis aux groupes participants. Inscris ton band dès maintenant en remplissant le formulaire d'inscription disponible au Gambrinus. Nombre de places limitées. Les Mardis de la Relève du Gambrinus, un événement production Joshua et C'est Fou 89.1. Ta blonde ou ton chum te fait de la brume dans tes lunettes? Eh bien, débarrasse-toi-en. Les lunettes, bien sûr. Chirurgie au laser pour enfin être libre. Chirurgie Vision, 819-693-5757 ou sur le net, voirclair.ca. Vous cherchez une ambiance unique pour votre événement? Lounge, jazz, ambiant ou trance? Que ce soit pour vos parties de bureau, 5 à 7 corporatifs, un lancement, un vernissage ou une inauguration, le Ben Zen, c'est le trio qu'il vous faut. Pour information et booking, studiostereo.com. Avant que je connaisse l'Odyssée sonorisation, mes spectacles sonnaient comme ça. Mais maintenant, avec l'Odyssée sonorisation, mes shows sonnent comme ça. Vous voulez organiser un spectacle ou un événement de tout genre, intérieur ou extérieur? Événements corporatifs, congrès, conférences, concerts, spectacles, théâtres, défilés de mode. L'Odyssée sonorisation fait la location de l'équipement pour le son, l'éclairage, l'audio-vidéo et l'équipement scénique. La seule place à Trois-Rivières, c'est l'Odyssée sonorisation. 971 rue Néry-du-Plessis à Trois-Rivières. C'est fou. 89. 1-1. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Connaître Ensemble, l'émission pour tout savoir en périnatalité par les étudiantes du bac en pratique sage-femme de l'UQTR. Vous êtes à C'est Fou, 89.1, la radio campus de Trois-Rivières. Mon nom est Véronique Badinet, votre co-animatrice avec Jessica Boulanger et Annie Brousseau-Arcan pour la saison hivernale 2011. Et ce matin, j'ai encore le grand bonheur de co-animer l'émission avec ma collègue Annie Brousseau-Arcan. Bonjour Annie. Grâce à la Saint-Valentin, c'est la semaine universitaire qui a pour thème la santé sexuelle et affective. Donc, au menu de l'émission aujourd'hui, on va parler de santé sexuelle avec Annie Brousseau-Arcan et moi-même. Et aussi, on va recevoir Rocio Vargas qui viendra nous parler de l'herpès génital et de ses implications durant la grossesse. En deuxième partie de l'émission, on va vous faire une revue de l'actualité nationale et internationale, comme on essaie de faire à chaque semaine. Les propos tenus lors de cette émission représentent exclusivement l'opinion des membres de l'équipe de l'émission et ne peuvent être associés à aucune autre organisation. Ils ne reflètent aucunement l'opinion des sages-femmes. Donc, bon matin Annie, j'espère que ça va très bien. Aujourd'hui, on parle de la santé sexuelle puisque le 12 février 2011, c'était la Journée internationale de sensibilisation à la santé sexuelle et génésique. Donc, génésique, tout ce qui touche à la reproduction, à la santé reproductive. On sait qu'au Québec, le taux d'ITSS, d'infection transmise sexuellement et par le sang, est en hausse. On peut se demander pourquoi, quand en 2011, avec toute la technologie, etc., et la connaissance, on serait supposé d'aller vers toujours une santé plus saine. Mais les taux d'ITSS sont en hausse, on va en parler plus tard dans l'émission. Puis aussi, de rappeler que la semaine de santé sexuelle et affective, elle vise vraiment à susciter... chez les jeunes et les adultes, une réflexion et un questionnement sur leur vie affective et sexuelle en faisant référence au développement de la confiance en soi, de l'estime de soi, de la capacité à faire des choix éclairés et aussi donc d'agir de façon autonome et responsable par rapport à leur santé sexuelle et affective. Justement, cette semaine-là de santé sexuelle et affective, c'est vraiment une semaine québécoise. Donc, un peu partout au Québec, cette semaine, il y a eu différentes initiatives qui ont été organisées soit par des organismes communautaires ou des centres de santé et services sociaux et dans les différents milieux, écoles et organismes. Donc, voilà, c'est le thème de la semaine. Alors, aujourd'hui, Annie, qu'est-ce que tu veux parler avec nous sur les ITSS et aussi ben, sur la thématique de la semaine? Je pense que pour commencer, on n'avait pas trop envie de se lancer là, à 10h le matin dans les ITSS, mais aussi de s'axer, je pense, sur quelque chose que nous, en tout cas en tant que futurs sages-femmes et étudiantes sages-femmes, on trouve un peu déplorable. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. C'est que malheureusement, les jeunes qui sont au secondaire n'ont plus nécessairement accès à des cours, que ce soit sur la santé sexuelle, la sexualité, les ITS ou même les cycles menstruels. Comme ça, parce que malheureusement, depuis la réforme, en fait, depuis 2005, les cours de FPS, je ne sais pas si tu te rappelles, Véro, nous, on avait ça dans notre temps. La formation personnelle et sociale. Exactement. Bien, ces cours-là ont été abolis. Fait que malheureusement, c'était vraiment un cours dans le cadre duquel l'enseignant pouvait inclure ces notions-là de sexualité qui étaient offert aux jeunes de premier cycle au niveau du secondaire, mais aussi après en continuité, tu sais, rendu en secondaire 4, en secondaire 5. Puis là, comme c'est aboli, ben là, on se retrouve avec le fait que ça a été déplacé et ça a été mis dans le cours de sciences et technologies. Oui. Donc, nous, on trouve ça un peu, pas absurde, mais bon. Fait que, tu sais, on essaie de mettre le plus de tâches possible à un enseignant, puis sous un beau titre, mais on se demande, tu sais, où est-ce que ça s'en va, tout ça? Puis est-ce que l'enseignant qui donne ce cours-là, qui, ma foi, doit être composé de matières très diversifiées, là, parce que sciences et technologies, c'est assez large, tu sais, est-ce qu'il est nécessairement outillé et formé pour transmettre ces connaissances-là? Peut-être que oui, puis sûrement qu'il y a des enseignants super passionnés. Oui. Qui le font. Mais en fait, c'est ça, ce qu'on avait envie de parler, c'est que comme les cours de FPS ont été abolis puis que ça a été mis au niveau de sciences et technologies depuis 2005, ben en fait, la manière d'intégrer les notions, ça relève maintenant vraiment de chaque commission scolaire, de chaque école qui doit par eux-mêmes trouver une façon d'inclure cette sensibilisation-là aux jeunes, à la sexualité. Puis on s'entend que c'est pas par 3 à 5 heures de cours maximum là, dans une année qui vont réussir à vraiment sensibiliser parce que, comme tu l'as dit, le taux des ITS est en hausse. Est-ce qu'on peut corréler l'abolition depuis 2005 de ces cours-là de sexualité avec la hausse des ITS? En 2008, il y avait un article qui disait que non parce qu'il était encore trop tôt. Maintenant, on est rendu en 2011. On pourrait faire une recherche à voir. C'est quand même intéressant à savoir si oui, ça c'est en lien. On peut se poser la question. Oui, c'est ça. Puis, ce qui est aussi... pas déplorable, mais c'est que c'est rendu vraiment à chaque école de faire les pas pour trouver des intervenants qui vont venir parler aux jeunes, que ce soit à l'infirmière. J'ai même lu qu'il y avait des psychologues qui venaient parler aux élèves dans le cadre de certains cours, ou voire même c'est des enseignants qui, eux, sont motivés par ça, puis qui vont prendre l'initiative hors de leur tâche, puis on sait qu'ils ont déjà beaucoup de tâches sur les épaules, ben de faire ça, puis de donner des cours, puis parce que je pense qu'on le sait, c'est que les jeunes ne sont pas fermés là-dessus, puis au contraire, je pense qu'ils ont envie d'en entendre parler, puis ils ont surtout beaucoup de questions, je pense là-dessus. Fait que, pour vous dire, en tout cas, pour la journée de la santé sexuelle et génésique, la SOGC, qui est la Société des obstétriciens et gynécologues, a remis à neuf, si je peux dire, son site masexualité.ca, qui est un site qui existe depuis 10 ans. Puis, ils ont décidé un peu de remanier là, le contenu du site pour que ce soit vraiment accessible. Puis, c'est vraiment un site qui est fait pas seulement pour les adolescents, mais aussi pour les adultes, où on trouve du contenu autant sur contraception, les ITS, mais aussi sur la grossesse, la diversité culturelle, la santé à la préadolescence, l'adolescence. C'est souvent, les jeunes ont beaucoup de questions puis sont parfois gênés. Puis, on sait que maintenant, rendu dans les années 2000, je veux dire, les gens ne vont plus nécessairement aller lire des livres, mais vont aller vouloir se référer sur Internet. Donc, la SOGC a fait ça. Donc, c'est vraiment un outil de référence à travers le Canada pour les ados, les adultes, les couples, les familles, et même pour les professionnels de la santé ou les enseignants qui voudraient en savoir plus pour donner ces cours-là, puis ou pour les parents qui voudraient renseigner leurs enfants sur différents sujets. Donc, c'est vraiment un site que je vous invite à aller voir. C'est www.masexualité.ca, sexualité, pas d'accent. Puis voilà, fait que là-dessus, il y a plein d'onglets, puis il y a plein de recherches actuelles qui sont super intéressant. Donc, je vous invite à aller voir ça. Puis, c'est sûr que ça rentre dans le cadre de la semaine de la santé sexuelle et génésique. Puis, on pourrait aussi, c'est ça, se poser la question. Maintenant, il n'y a plus de cours de FPS. Par quoi? Est-ce que c'est par l'entremise de l'école ou faudrait instaurer une autre manière concrètement pour aller vraiment cibler les jeunes? Bien, c'est à voir. Alors, on va en parler plus tard, mais est-ce que les sages-femmes pourraient intervenir dans l'éducation à ce niveau-là? Non! On va se poser la question. Mais pour revenir justement sur le site masexualité.ca, ici en studio, on a un des documents que la SOGC a fait paraître. Il s'appelle « Comprendre les infections transmises sexuellement ». C'est très, très bien fait. Puis, il y a plusieurs professionnels de la santé qui l'utilisent. Donc, c'est des très bonnes références. Voilà. Donc, ensuite, on va recevoir ce matin en studio, mais en fait, actuellement, Madame Rocio Vargas, qui est étudiante en pratique sage-femme à l'UQTR et qui est également bachelière en microbiologie. Elle a réalisé un travail dans le cadre du cours de microbiologie pour sage-femme sur l'herpès génital et aussi les implications pour la femme enceinte et ensuite pour le fœtus, le bébé et durant l'accouchement. Donc, bon matin, Rocio. Bon matin, Véronique. Je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît très bien. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler de l'herpès génital et labial. On va faire les distinctions. C'est une affection qui semble un peu anodine, mais qui a des impacts importants sur la santé sexuelle et reproductive des couples. En fait, j'apprenais qu'il y a 500 000 nouveaux cas répertoriés au Canada chaque année. Donc, est-ce qu'on peut parler d'épidémie ou en tout cas de recrudescence? Oui, en fait. En effet, c'est assez inquiétant tout ça. Je pense que, comme on disait, c'est vraiment important de comprendre comment ces infections-là fonctionnent pour mieux prévenir, en fait, les transmissions. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'herpès. C'est ça, justement. Qu'est-ce que l'herpès? Alors, l'herpès, c'est un virus. Donc, qui va causer l'infection, dans le fond, l'herpès génital ou oral. Donc, je vais commencer par vous faire la distinction entre virus et bactéries. Donc, une bactérie, en fait, c'est un organisme qui est vraiment indépendant, donc qui va se répliquer de façon autonome. Donc, par exemple, si on prend les bactéries de notre tractus digestif, donc qui vont se répliquer, vont se nourrir de ce qu'on se nourrit. Donc, et la plupart vont pas causer d'infection. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui en causent. Mais voilà, donc c'est vraiment un petit organisme unicellulaire, tandis que le virus est vraiment beaucoup plus petit et lui, on l'appelle parasite obligatoire. En fait, c'est qu'il y a vraiment besoin de rentrer dans la cellule et il va détourner la machinerie de la cellule, en fait, pour se répliquer. Donc, les virus peuvent infecter divers types de cellules. Les virus peuvent même infecter les bactéries. Donc, et ils ont tous un peu leur préférence, en fait. Donc, le virus de l'herpès, lui, sa préférence, c'est seulement l'humain. Et va préférer les cellules du derme et les cellules neurales, dans le fond, du système nerveux. D'accord. Donc, tu nous as bien fait la distinction. C'est important de comprendre, justement, pour comprendre le mécanisme aussi, oui, comment ça se réplique, ou aussi, justement, quels sont les modes de transmission. Oui. Donc, pour commencer, je vais faire la distinction entre l'herpès de type labial et l'herpès de type génital, en fait. C'est que c'est dans la même famille, mais c'est deux virus un petit peu différents. Qui ont des préférences différentes. Donc, l'herpès labial, qui est l'herpès de type 1. Donc, lui, on le retrouve vraiment au niveau des lèvres, donc les feux sauvages. Et tandis que l'herpès de type 2, lui, c'est vraiment sa préférence au niveau génital. Donc, comme je disais, il préfère la peau. Donc, la transmission, elle va se faire via une lésion au niveau de la peau. Donc, il faut qu'il y ait une voie d'entrée. Ils vont rentrer... donc, dans la peau, donc c'est un contact oro-buccal, oro-génital et... bien entendu, contact sexuel. Là, il faut aussi dire que de plus en plus, dans les dernières années, l'herpès de type 1, qui est associé à l'herpès labial, on le retrouve de plus en plus dans l'herpès au niveau génital. Donc, il ne faut pas penser que parce qu'on a un feu sauvage, on ne peut pas transmettre un herpès de type génital. Donc, il faut faire très attention avec cette distinction-là. Justement, quand tu parlais, Rocio, de la préférence de l'herpès pour le derme, mais est-ce que aussi l'herpès aime les muqueuses? Tu sais, comme justement, oui, est-ce qu'on pourrait en retrouver sur le col? Oui, effectivement. Dans le vagin? Donc oui, c'est la muqueuse qu'on considère quand même comme une cellule épithéliale, donc on peut en retrouver à ce niveau-là. On va parler tantôt un peu plus de où est-ce qu'il se retrouve et donc de ses symptômes. Mais je voulais aussi dire que pour la grossesse, donc, il y a des risques de transmission de la mère à l'enfant, surtout dans 85 % des cas de transmission, c'est vraiment à l'accouchement. Donc, des infections comme postpartum sont plus rares. Et il faut dire que c'est une infection qui est assez bien contrôlée parce qu'on connaît assez bien les paramètres. Donc, on évite cette transmission-là la plupart du temps. On y reviendra plus tard. Oui, justement, j'avais une petite question quiz pour toi. Oui. quand on parle de transmission, est-ce qu'on pourrait attraper l'herpès justement sur un banc de toilette ou une serviette après que quelqu'un qui est infecté l'ait utilisé ou soit passé par là? Oui, donc c'est sûr qu'il faut faire attention. On ne va pas se prêter des sous-vêtements quand on a une éruption, bien entendu. Mais il faut dire que le virus, c'est un virus qui est enveloppé. Donc, sans rentrer dans les détails, c'est un virus qui ne va pas survivre très longtemps sur les matières inertes, donc la serviette, la table. Comme je vous disais, il est parasite obligatoire. Lui, ce qu'il aime, c'est les cellules. Donc, les risques sont très, très, très, très faibles. Mais c'est sûr qu'on va être prudent avec ça. Mais c'est très, très rare. Puis, je pense que tu as un peu répondu, mais juste pour être sûre, si justement j'ai un feu sauvage et que je fais une fellation, est-ce que je peux transmettre l'herpès? Oui, alors c'est ça. Dès qu'il y a apparition de boutons, et on va faire des petits bémols là-dessus, mais il faut vraiment faire attention. Donc, utiliser le condom. Donc, peut-être utiliser des condoms aux fruits, quelque chose comme ça pour... rendre la chose plus agréable. Oui, effectivement. Donc, c'est ça. Donc, on évite des comportements à risque quand on a des boutons. Tout à fait. Une fois que le virus de l'herpès s'est infiltré dans nos cellules, qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, donc le virus va rentrer dans nos cellules, effectivement. Et là, on va parler des différents stades de l'infection. Donc, là, on va avoir la primo-infection qu'on appelle, qui est en fait la première infection. Donc ça, ça va apparaître en 2 à 21 jours après la première infection. Donc, habituellement, on dit que c'est en moyenne 6 jours. Et là, on va voir l'apparition de lésions au niveau cutané, donc des petits boutons qui démangent beaucoup. Il va y avoir tous les syndromes qui s'associent à la grippe, souvent la fatigue, fièvre, nausée, il peut y avoir des vomissements. Donc. Et c'est vraiment à cette première infection-là que tous les symptômes sont les plus intenses. Donc, il ne faut pas paniquer les autres fois, parce qu'on sait que c'est une infection récurrente. Ça va être moins pire, parce que notre système immunitaire va avoir un peu pris le dessus sur le virus. Donc, la première infection très intense. Et c'est ça, les symptômes disparaissent progressivement, plus notre système le combat. Mais là, le virus a son truc, il va aller se cacher dans les neurones, au niveau des ganglions, dans le fond. Okay. Et c'est ça, dans le fond, l'herpès labial va aller se cacher au niveau des ganglions trijumeaux, tandis que l'herpès génital va aller dans les ganglions sacraux. Et bon, là, on va rentrer dans une phase de latence qui, heureusement, existe et peut être très longue. Donc, on ne peut pas dire combien de temps. C'est vraiment à chaque individu d'apprendre à connaître comment il vit avec l'infection un peu. Mais dans le fond, la phase de latence, c'est une phase où on n'a ni symptômes, on n'est ni infectieux. Donc, on ne peut pas transmettre la maladie, ce qui est très intéressant. Par contre, le virus est vraiment très intelligent, si on peut dire comme ça. Il va avoir des phases d'excrétion virale asymptomatique. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas faire la distinction entre la phase de latence et cette phase-là pour laquelle on est... infectieux. Dans le fond, on peut transmettre la maladie sans avoir de boutons, sans se sentir malade. Et c'est là que les gens devraient mieux comprendre cette phase-là, parce que c'est vraiment là qu'on transmet la maladie. Et il y a des gens pour qui la récurrence va peut-être arriver juste une fois dans leur vie. Donc, ils vont être infectés une première fois. Ils vont peut-être penser que c'est une grippe, un mauvais rhume, pas être à l'écoute peut-être de leur corps un peu et finalement se dire « Ah non, j'ai pas l'herpès, sans dépistage ». Et là, ils ont peut-être des pratiques sexuelles à risque, on ne sait pas, mais c'est là beaucoup les risques et je crois que c'est très responsable de cette espèce d'épidémie qu'il y a. Mais c'est ça, d'où la difficulté pour les personnes qui en sont atteintes de distinguer la phase asymptomatique de la phase de latence, puis qui fait que inévitablement on n'a pas le choix d'adopter des pratiques comme sécuritaires c'est en ça. Tout temps. C'est ça, tout à fait. Donc, j'ai oublié de vous parler, dans le fond, de la phase de récurrence. Oui. Donc, on sait que ça revient périodiquement, donc l'herpès, et ça va revenir selon plusieurs stress, dans le fond, en période de fatigue, quand on a même les menstruations, paraît-il, les stress émotionnels, les maladies, des interventions chirurgicales ou une exposition prolongée au soleil, tout ça peut ramener à l'herpès. Mais comme je disais, c'est vraiment variable. Il y en a qui peuvent avoir des récurrences plusieurs fois par année, d'autres deux fois dans leur vie. C'est très variable. C'est variable. Donc, c'est un peu ça les facteurs de risque, finalement? Oui. Ou il y en a d'autres? Bien, ça, c'est pas les facteurs de risque à contracter la maladie. Dans c'est le fond, ce qui ça, va c'est... redéclencher ouais. une phase ouais. récurrente. Donc, c'est sûr que c'est mieux d'avoir un style de vie sain pour éviter la réapparition. Ou être conscient que, bon, quand on vit des stress ou de la c'est grande ça. Fatigue, on est peut-être plus à risque que ouais. le virus se remanifeste dans notre corps. Effectivement, oui. Oui, donc, justement, ce serait quoi les facteurs de risque? On sait que, bon, bien entendu, on voit l'âge qui est un facteur de risque, mais c'est surtout les habitudes sexuelles, en fait, qui vont être le facteur de risque le plus important. Donc, en bas de 40 ans, on atteint même le pic de transmission vers l'âge de 40 ans. Donc, c'est probablement parce qu'on accumule des expériences sexuelles, justement. Donc, il faut vraiment être à l'écoute dès qu'on sent des symptômes. Il y a des traitements, on va en parler un petit peu plus tard, antiviraux, donc qui permettent de mieux contrôler les poussées d'herpès. Oui, tout à fait. Ce serait quoi les signes et symptômes? Oui, donc les signes et symptômes, c'est vraiment, comme je vous disais, des petites plaies qui ressemblent à des cloques qui vont être rouges et inflammées, ils vont vraiment piquer, donc démanger. On les retrouve au niveau du pénis chez l'homme et de la vulve chez la femme. Donc, c'est ça. Mais il y a aussi des signes atypiques. Donc, c'est vraiment... Ça peut être aussi sans boutons. Ça peut juste être des douleurs au niveau vaginal ou de l'urétrite, méningite. Donc, c'est environ les symptômes les plus fréquents. D'accord. Au niveau des transmissions, tu nous as dit que l'herpès pouvait se transmettre au bébé. Comment ça se passe exactement, ce processus-là? Oui, donc c'est vraiment lors de l'accouchement vaginal qu'il y a plus de risques de transmettre l'herpès. Là, le bébé va développer dans les 28 premiers jours ce qu'on appelle l'herpès néonatal. Et pour le bébé, on sait qu'il est très fragile, donc peut avoir plusieurs impacts, notamment au niveau du système nerveux central, ce qui peut être assez grave. Donc, et si l'herpès néonatal n'est pas détecté à temps, il y a quand même un risque de mortalité fort. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces infections-là, j'ai une petite statistique aux États-Unis qui est de 8 à 60 cas sur 100 000 naissances. Donc, quand même important, mais pas alarmant, exactement. Donc, ce qui arrive aussi, c'est que la transmission se fait lorsque la mère accouche lors d'une primo-infection, que si vous vous rappelez, est vraiment la plus virulente. Puis là, on a une charge virale très, très importante. Donc, c'est là qu'il y a des risques. Mais si on a un bon suivi sage-femme, un bon suivi avec un médecin, que là, on arrive à détecter. Dans le fond, on a fait un dépistage, on sait si on est porteur. Et là, si on est porteur, vraiment arriver à mieux contrôler le virus et éviter qu'on accouche avec une surcharge virale. Là, les risques sont vraiment faibles. En fait, de toutes les infections qu'il y a, il y a seulement 0,04% de ces infections-là qui sont causées lorsqu'on a absence de lésions. Donc, c'est vraiment quand il y a soit en récurrence ou primo-infection. Donc, il y a façon de bien contrôler ça. Sinon, on va plus aller avec la césarienne si vraiment il y a un grand problème, mais c'est très rare. D'accord. Puis, quelles seraient justement les méthodes de prévention? Est-ce que le condom nous protège à 100%? Mais on en a un petit peu parlé. Je ne sais pas si tu aurais d'autres conseils à nous suggérer. Oui. Bien, en fait, c'est ça. On peut pas juste se dire, on porte le condom, ça va super bien, il n'y a pas de risque. Mais c'est sûr qu'on réduit de beaucoup les risques. Mais il y a des risques. Donc, faut pas dire « je ne porterai pas le condom », mais il faut quand même... Si les lésions sont très grandes et tout ça, c'est sûr qu'il faut faire attention. Donc, il faut nécessairement aussi prêter une attention à l'hygiène personnelle. Je pense qu'on va aborder des petits trucs aussi plus tard avec toi, Véro. Mais je pense que faut être conscient de ce que c'est l'herpès, donc de ses risques, de ses poussées, de un peu comment ça fonctionne pour vraiment apprendre à vivre avec cette infection-là et apprendre à mieux la contrôler. Je pense aussi que dans un couple, parler dans le fond à la ou le partenaire, de vraiment ouvrir un dialogue, de ne pas avoir peur d'en parler. Je pense que ça aussi, briser les tabous pour que les gens se sentent plus à l'aise de dire, avant d'avoir des relations sexuelles, de parler de ça et que ça soit mieux accepté, en fait. Oui, parce que justement, de vivre avec l'herpès, on peut justement, ça peut avoir l'air banal, mais ça peut aussi avoir une incidence au niveau personnel, relationnel. Oui, très important. Donc, d'avoir du support là-dedans peut être approprié. Effectivement. Donc, est-ce qu'on peut guérir de l'herpès, Rocio? Donc, c'est ça, je vous disais, nos petits virus herpétiques qui aiment ça aller se cacher. Et c'est un excellent truc qu'ils ont trouvé parce qu'on n'arrive jamais à totalement éradiquer le virus donc de notre corps. Mais comme je disais, notre système immunitaire fait un excellent travail quand même. Et à ça, on peut l'aider. Donc, au niveau médical, les médecins vont beaucoup prescrire des médicaments, des antiviraux en fait à base d'acyclovir qui vont venir vraiment freiner la réplication. Mais pour que ça soit vraiment efficace, encore une fois, il faut vraiment être à l'écoute des premières démangeaisons, des premiers signes pour éviter dans le fond que les virus prennent le dessus. Oui, tout à fait. Puis c'est ça, de consulter, puis le dépistage, ça peut être vraiment, comme on l'a dit. Oui, oui, oui. Pour pas méprendre avec, supposons, une vaginite ou une autre, ou une infection urinaire qui pourrait avoir des symptômes un peu similaires, finalement. Ouais. Ah oui, il faut vraiment prendre sa santé sexuelle en main et vraiment prendre ça au sérieux, puis s'informer, puis je pense que c'est très important. Oui, parce que comme tu nous as dit, plus tôt c'est dépisté, plus tôt on entreprend un traitement, puis plus justement bien, ça peut espacer les périodes de récurrence, c'est ce que je comprends. Oui. Donc, tu l'as un peu introduit, Rocio, mais on voulait parler de petits trucs alternatifs et naturels par rapport à l'herpès. Oui, mais dans ce cas-là, je pense que tu es mieux... T'es mieux disposée que moi à nous en parler? Oui, bien en fait, tout ce que je vais dire ici n'exclut pas le traitement avec les antiviraux à l'acyclovir, parce que comme Rocio nous a expliqué, donc on ne peut pas guérir de ce virus-là. Donc, en fait, on voulait seulement vous donner des petites pistes, des traitements alternatifs qui peuvent... faciliter la vie, en fait, qui peuvent aider à vivre avec le virus de l'herpès. Donc, je vais vous parler un peu des plantes médicinales, mais à part ça, là, dans la littérature, ce qu'on a recensé, c'est que bon, l'acupuncture ou la luminothérapie par les ultraviolets pourrait avoir facilité, finalement, la résorption des symptômes, sans jamais la guérir, évidemment. Mais il y a aussi il y a plusieurs plantes qui peuvent nous venir en aide par leurs propriétés antivirales, par leurs propriétés aussi régénérantes, cicatrisantes. Donc, c'est ça, il y avait deux études très intéressantes sur la brunelle. En fait, je vais vous parler principalement là, de la brunelle et de la mélisse, qui sont deux plantes. La brunelle, en fait, c'est la Prunella vulgaris, c'est une plante sauvage qu'on retrouve vraiment sur aux abords des champs, tout ça. Puis la mélisse, bien, c'est une plante qu'on cultive, la Mélissa officinalis, qu'on cultive très bien ici au Québec. Donc, au niveau de la brunelle, il y a plusieurs chercheurs qui ont travaillé sur justement ses vertus antivirales. Ce serait une fraction de polysaccharides contenus dans la plante qui diminuerait les symptômes de l'herpès simplex. Puis il y a aussi... un groupe de chercheurs japonais qui ont fait une étude sur l'utilisation d'un mélange de plantes, donc je pourrais vous nommer là, les six noms latins, là, mais dont un champignon qui réduirait le temps de résorption des lésions herpétiques, justement. En fait, c'est ça, plusieurs plantes peuvent vraiment soutenir le corps et le moral. Parce qu'on l'a dit, quand il y a des éruptions, c'est très difficile parce que les démangeaisons, les inconforts sont vraiment grands. Ouais. Ça peut amener vraiment aussi de l'irritabilité, puis vraiment le sentiment... Je pense que c'est important aussi de pas juste faire attention avec les lésions, mais vraiment là, de se faire du bien pendant ce temps-là, parce qu'on sait que les stress n'aident pas. Donc, se dorloter puis prendre soin, dans le fond, de l'éruption. Donc, c'est ça. Puis, en plus des plantes, justement, antivirales, cicatrisantes, on pourrait aussi favoriser des plantes qui sont des toniques nervins ou vraiment des sédatifs, des calmants qui pourraient vraiment nous aider justement à relaxer. Donc, la mélisse aussi est un tonique nervin. On pourrait utiliser les plantes comme la mélisse, la brunelle, la calendule en infusion, mais aussi, en fait, il y a une compagnie américaine qui a développé un baume à lèvres, en fait, à partir de macération de mélisse et de brunelle. Et puis, j'ai moi-même fait l'expérience de, de cette préparation et ça avait des très bons résultats au niveau de la résorption des feux sauvages. Donc, on en appliquait dès qu'il y avait une petite éruption, une sensation au niveau des lèvres. Puis, au lieu que le feu sauvage, l'herpès labial, comme... éclos. Ouais. En fait, ben, c'est ça, ça se résorbait très rapidement, donc ça diminuait de beaucoup les inconforts liés à l'herpès labial. Il y a aussi l'huile essentielle de bois de rose qui est un puissant antiviral qui peut aussi être ajouté dans cette préparation-là. Donc, pour avoir de plus amples informations, vous pouvez consulter votre herboriste thérapeute ou différents. Il y a aussi dans les magasins d'aliments naturels, il y a la compagnie La Clé des Champs qui fait un mélange, une préparation de plantes qu'on peut utiliser en bain partiel, en fait. C'est constitué de mélisse, justement, de millepertuis, de calendule, de thym, de noyer et d'hydrase, donc, et de cerier. Donc, c'est vraiment un mélange de plantes qui va vraiment aider à calmer, justement, les douleurs, les démangeaisons au niveau suite aux éruptions, finalement. Donc, on peut l'utiliser... Oui, en fait, qu'est-ce qu'un bain partiel? En fait, un bain partiel, c'est qu'on ferait, on utiliserait les plantes, on ferait une macération, comme une infusion, une tisane, finalement, okay. Ou une décoction. Mais dans ce cas-ci, on ne ferait pas une décoction parce que ce n'est pas des racines, mais principalement des feuilles. Mais, bon, il y a l'hydraste, là. Mais, bon, supposons qu'on se fait une tisane très concentrée en grande quantité. Oui. Qu'on peut mettre dans notre bain ou dans une espèce de grand bassin. Et puis là, on serait trempé soit le siège ou on pourrait après ça l'utiliser, puis imbiber une compresse, puis faire une application locale. Ouais, donc, pour soulager ça. Exactement, ouais. Les démangeaisons et aussi les inconforts, comme on l'a dit, liés aux éruptions. Donc, c'est ça. Il y a aussi des pommades de mélisse qui peuvent être, et de brunelle, qui peuvent être appliquées de façon topique et locale. Mais comme on l'a dit et on le répète, ça n'enlève pas le traitement à l'ascovir, malheureusement, qui est très nécessaire, finalement, pour diminuer les symptômes. Mais il y a quelques pistes. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a des chercheurs qui travaillent actuellement sur différentes plantes médicinales et alternatives. Donc, voilà, on va se quitter le temps d'une pause sur une chanson. Annie, je pense qu'elle voulait nous dire un petit quelque chose. Non, mais en fait, je voulais juste préciser un petit truc au niveau de l'herpès et du suivi sage-femme. Oui, tout juste à fait. Juste dire, en fait, que si jamais pendant le suivi de grossesse, il y a une séroconversion qui se fait puis que ça devient plus sous forme active, il va devoir avoir pas nécessairement un transfert, mais une consultation au niveau plus des médecins spécialistes. Et que si jamais, lors de l'accouchement, l'herpès est actif, bien, ça va malheureusement devoir être transféré en milieu hospitalier. Donc, c'était juste pour faire une petite... Oui, c'est ça. Parfait. Voilà. Une précision très pertinente. Merci beaucoup, Annie. Donc, mais c'est pour ça qu'on dit que ça peut avoir l'air d'une infection un peu bénigne si on en a une fois ou deux fois par année. Sauf que, justement, pour les femmes, au niveau de la grossesse, ça a vraiment une incidence. Mais ils peuvent quand même venir en maison de naissance pour avoir un suivi. Il ne faut pas que ça fasse peur non plus aux femmes qui ont l'herpès parce que c'est très bien contrôlé quand même. Tout à fait. Donc, voilà. Exactement. Donc, on va se quitter le temps d'une pause sur une chanson de Pierre Lapointe, L'endomètre rebelle, tirée de l'album La forêt des mal-aimés. Et on se reparle après cette pause. Je les entends toujours qui m'appellent, les cris de l'endomètre rebelle, comme autant des amours, autant d'avant les grands détours, c'était le temps d'avant. Je les entends toujours qui m'appellent, les hurlements de l'ange rebelle, massacrant la para de nos amours,

venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. À l'UQTR, c'est vous dans vos oreilles. Nous sommes de retour à C'est fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières, à l'émission Connaître ensemble, l'émission sur la périnatalité par les étudiantes du bac en pratique sage-femme de l'UQTR. Donc, comme on l'a mentionné au préalable, on est dans la semaine québécoise de la santé sexuelle et affective. En première partie, on a eu une présentation très intéressante sur l'herpès. Il faut rappeler que on voulait pas non plus alarmer tout le monde, puis qu'on peut très bien vivre avec l'herpès, mais on espère que là, vous comprendrez mieux un peu aussi comment se réplique le virus. C'était un de nos objectifs. Donc, maintenant, on va s'attarder à quelques autres ITSS qui sont également très répandus. Rebonjour Annie, qui est ma co-animatrice aujourd'hui pour l'émission et collègue. Bonjour Annie. Bonjour. Donc, oui, d'autres ITSS, on sait que le taux d'ITSS, comme on l'a dit, est vraiment en hausse au Québec et que ça nous préoccupe. Oui. Effectivement, je m'excuse, je t'ai coupé, Véro, mais oui, effectivement. Puis là, c'est sûr qu'on va passer rapidement une mini-revue rapide des bactéries. On a parlé un peu des virus avec Rocio au niveau de l'herpès. Mais les bactéries qui, elles, ces infections-là, peuvent se traiter avec des traitements antibiotiques, mais qui doivent être absolument dépistées et qui, on le sait, sont parfois très rarement dépistables avec seulement les symptômes. Donc, juste axer rapidement sur quatre ITSS, dont le chancre mou, la chlamydia, la gonorrhée, qu'on appelle aussi la chaude pisse, ou la syphilis, qui, voilà, les quatre ont pas mal parfois des symptômes semblables, qui vont aller des démangeaisons, des sécrétions, que ce soit au niveau pénien ou vaginal, soit odorante ou non, ou avec coloration. Et souvent, ça va être asymptomatique, comme on le disait, donc c'est encore là l'importance du dépistage est là. Ça peut aller aussi jusqu'à des douleurs au niveau du bas-ventre ou lors des relations sexuelles ou lorsqu'on va aller uriner. Donc voilà, puis au niveau périnatal aussi, si on veut s'axer et faire juste un petit topo là-dessus, comme la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis sont des infections, en fait, qui se transmettent au bébé et qui, même si l'infection arrive pendant la grossesse, peuvent être parfois, malheureusement, fatales pour l'enfant ou amener des anomalies ou parfois même une naissance prématurée des enfants. Donc, d'où encore l'importance de faire le dépistage puis de se protéger aussi. Puis, voilà, donc, le chancre mou qui est... Qui ceux-là, par exemple, ne semblent pas vraiment affecter la grossesse ou être transmis au fœtus, là, qui peut être quand même traité rapidement, mais va aller jusqu'à avec des plaies ou des abcès au niveau parfois inguinal. Donc, cela, des fois, est peut-être plus visible rapidement. Puis, la chlamydia, qui est vraiment l'une des infections les plus répandues, surtout au niveau des 15 à 25 ans, j'oserais même dire partout dans le monde, mais en tout cas au Québec, c'est vraiment le cas. Puis il y a 75 % des femmes, 25 % des hommes qui vont en être atteints et c'est souvent, souvent asymptomatique. Puis sinon, les symptômes vont aller, là, comme on l'a dit tantôt, là, au niveau des démangeaisons, des pertes, des douleurs, parfois même jusqu'à l'hémorragie. Puis la gonorrhée, ça ressemble un peu quand même à la chlamydia, donc parfois c'est dur. Puis au niveau des femmes aussi, faire attention parce que parfois ces infections-là vont être confondues avec des infections vaginales. Donc encore là, dès qu'on a un questionnement, d'aller consulter. Mais c'est ça. La différence entre, mettons, l'infection vaginale et, supposons, une infection à chlamydia, peut-être la petite nuance qui pourrait aider à dépister, ce serait que, en général, quand on a une infection vaginale, les pertes vont ressembler un petit peu plus à quelque chose de... qui est blanc, un peu comme du fromage cottage, tandis que lors d'une chlamydia ou d'une gonorrhée, ça serait de couleur plus jaunâtre ou verdâtre. Fait que peut-être à la distinction, mais ça peut être vraiment justement confondant entre une vaginite et une infection à la chlamydia. Oui, exactement. Puis la syphilis, un peu, bien un peu, disons, comme l'herpès que vous aviez pensé, mais il y a quand même une primo-infection, puis il y a une phase secondaire, puis tertiaire, puis lors de l'infection primaire, c'est pas dépisté lors des tests, ça apparaît négatif. Donc, ça a le temps de bien s'installer au niveau du corps pour après ressortir avec aussi là, des symptômes grippaux, puis qui est là une phase de la l'importance qu'il a est contagieuse, mais qu'on ne s'est pas encore rendu compte qu'on avait la syphilis qui, après, là, peut, après plusieurs années, un coup que c'est dans le corps, mener que ça va toucher les os, la peau et aller jusqu'aux organes, puis le système nerveux aussi. Donc, on ne veut pas que ça se rende là. D'où l'importance du dépistage. Puis c'est ça qu'on tenait aussi à parler, je pense, hein, ce matin, le dépistage. Oui, bien, en fait, les étudiants de l'UQTR peuvent avoir accès à une infirmière spécialisée ici à la clinique de santé qui peut faire les tests de dépistage avec vous et pour vous. Donc, c'est ça. Il y a aussi des médecins à la clinique de santé de l'UQTR. Malheureusement, il y avait 3 médecins qui travaillaient à cette clinique-là. Un qui est parti en congé indéterminé. Et puis, donc, à partir du mois de la fin de la session, là, il n'y aura plus de médecins, en fait, à la clinique de l'UQTR jusqu'au mois de septembre. Donc, c'est un peu dommage pour les étudiants et étudiantes du campus, surtout aussi quand on sait que, bon, à l'urgence de la Mauricie, ça va pas très bien, du CHRTR, ça ne va pas très bien en ce moment, comme vous pouvez le lire dans le Nouvelliste d'aujourd'hui, mais aussi on peut toujours s'adresser au CLSC pour les tests de dépistage et l'infirmière aussi clinicienne demeure en poste durant tout l'été, donc et elle fera les contacts avec les médecins par la suite si on a besoin de traitement. Mais on voulait vous parler de la ressource, mais comme on en a parlé dans d'autres émissions, la pénurie de médecins pour les soins de santé se retrouve pas juste au niveau en obstétrique, mais on le voit un peu partout, puis ça l'affecte aussi beaucoup au niveau du dépistage, parce qu'en général, quand il y a pénurie, bon, ben, c'est seulement... On ne se rend pas toujours à l'hôpital pour attendre 6, 7, 8 heures pour un dépistage. Donc, mais voilà. On blague bien à propos de l'urgence de Trois-Rivières, qui est un des cas, mais toutes nos urgences débordent, et ça, on le sait. Mais il y a quand même des gens qui vont attendre à l'urgence pour pouvoir avoir leur pap test. Il y a des femmes qui vont attendre à l'urgence pour avoir leur pap test parce que malheureusement, elles n'ont pas accès à un médecin de famille. Ça, c'est déplorable. Là. On le sait, ce qui nous amenait, tantôt, on a un peu... parler de est-ce que les sages-femmes pourraient jouer un impact là-dessus? On parlait de la sensibilisation des jeunes tantôt qui n'ont plus de cours de FPS. Oui, on s'est posé beaucoup la question justement après notre cours de microbiologie pour sages-femmes de la dernière session. Quel rôle pourraient jouer les sages-femmes? Justement parce qu'on sait que les sages-femmes ont un rôle dans promotion et éducation au niveau de la santé. Mm-hmm. Donc, je pense que tu as quelque chose à nous dire là-dessus, Annie. Bien, en fait, oui, c'est intéressant, mais c'est pas moi qui amène ça. En fait, c'est une de nos collègues, Karine Langlois, qui est finissante, à qui d'ailleurs on a parlé la semaine passée, qui est en train de faire son travail de synthèse sur l'impact d'un suivi sage-femme des ménarches à la ménopause. Donc, elle voulait amener l'idée de qu'est-ce que ce serait dans une société où les sages-femmes suivraient les femmes vraiment depuis leur première menstruation jusqu'à la ménopause. Donc, ce serait la même, en fait, professionnelle de la santé qui suivrait la jeune femme, puis après, tout au long de sa grossesse ou ses grossesses, puis après, jusqu'à la ménopause. Puis je pense que c'était quelque chose qui nous a vraiment beaucoup allumé. Puis peut-être qu'on va pouvoir... Le travail est en création, donc on ne peut pas vraiment en parler, mais ça serait super intéressant d'en reparler avec Karine. Je pense que c'est quelque chose qui, avec toutes les étudiantes, nous allume beaucoup. Je pense que ce serait tellement profitable au Québec de pouvoir offrir ça, ces services-là, aux femmes puis aux adolescentes. Puis en tout cas, moi, j'en reviendrai dans mon émission sur le sexe autour du monde qui aura lieu dans quelques semaines. On va en finir parce qu'il y a certains modèles ailleurs dans le monde où les sages-femmes ont un rôle beaucoup au niveau de la prévention. Nous, on le fait déjà au niveau des suivis de grossesse, tous les dépistages d'ITS, de cancer du col et tout ça. Mais c'est vraiment juste à notre clientèle. Oui, alors on aimerait ça que ça puisse s'étendre, offrir le service à toutes les femmes de tous âges. Donc, oui, très intéressant. On reviendra justement sur ce travail synthèse qui est en train d'être, qui est en élaboration par des étudiantes à l'internat de quatrième année. On va aller aux actualités nationales et internationales. Et puis, justement, à chaque semaine, on aime vous faire part des actualités locales, nationales et internationales qui touchent les sages-femmes, les femmes, et la périnatalité ici comme ailleurs. Donc, allons voir cette semaine ce que l'actualité nous a réservé. Qu'est-ce qui s'est passé, Annie, à Trois-Rivières cette semaine? Oui, entre autres, mardi, le 15 février, lendemain de la Saint-Valentin, sortie publique de la Coalition pour la pratique sage-femme qui a eu lieu à Trois-Rivières, donc à l'Hôtel Delta. Il y a eu une conférence de presse, en fait, qui réunissait les membres de la Coalition pour la pratique sage-femme, dont tu pourras nous décrire tantôt, avec aussi la porte-parole du regroupement des sages-femmes du Québec, ainsi que de notre association étudiante des sages-femmes, en fait, qui sommait le gouvernement d'agir et de proposer vraiment un plan concret de mise en œuvre de la fameuse politique de périnatalité qui n'est toujours pas adoptée, en fait, au niveau du développement des services sages-femmes. Puis, en fait, vraiment, la coalition, c'est qu'elle réitérait la demande qu'une enveloppe budgétaire soit vraiment réservée aux agences pour le développement des naissances. Puis parallèle à ça, le ministre Bolduc, et on l'espère que c'est vraiment arrivé jusqu'à son bureau, a reçu une pétition de 13 000 cartes postales, donc qui ont été livrées dans son beau bureau, demandant que soit garanti à toutes les Québécoises le choix du lieu de naissance, que ce soit l'hôpital, le domicile ou la maison de naissance, ainsi que le choix du professionnel de leur choix pour leur suivi de grossesse. Alors, on pense que le ministre Bolduc, aujourd'hui, est en train de les lire une à une. Dans le Devoir du 16 février 2011, on pouvait lire dans l'article de Louise Maude Rioux-Soucy, qui est intitulé « Gynécologie, les sages-femmes encore exclues », qu'il n'y a aucun projet en attente au ministère. Ça, c'est l'attaché de presse du ministre Bolduc qui a affirmé ça. Madame Claudia Faye, présidente du regroupement Les sages-femmes du Québec, a rappelé que c'était faux. Et je la cite, « Si les projets n'arrivent pas sur le bureau du ministre, les murs se dressent devant eux. » C'est pour ça que ça n'arrive pas. « Je compte au moins 14 projets en préparation, notamment en Montérégie, dans Lanaudière, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Gaspésie, à Montréal, à Laval, en Beauce et dans les autres Laurentides, pour ne nommer que ceux-là. » Et Ariane Blais, qui était la représentante des étudiantes sages-femmes, a d'ailleurs mentionné que 14 finissantes plus les finissantes du programme d'appoint, donc ça va faire 20 finissantes qui vont aller au chômage. Donc, les besoins en maternité sont évidents, sont criants au Québec. Donc, c'est encore une fois une aberration, ce qui se passe. Puis, elle rappelle que le chiffre d'endettement moyen d'une étudiante se chiffre en moyenne à 60 000 $ à la fin de leurs 4 années et demie d'études. Puis que l'an passé, seulement à Montréal, il y a 1 000 femmes qui sont arrivées à l'hôpital au moment de leur accouchement et qui n'avaient eu aucun suivi de grossesse par manque d'accès à un professionnel de la santé. Puis, Véro, je ne sais pas si rapidement, tu peux peut-être juste nous dire un peu, c'est quoi juste la Coalition pour la pratique sage-femme? Oui, bien, la Coalition pour la pratique sage-femme est composée de plusieurs organismes, dont le RSFQ, le regroupement Les sages-femmes du Québec, l'ACFAS, l'AESFQ, l'Association des étudiantes en pratique sage-femme, le Cercle des fermières, la CSN, la Fédération des femmes du Québec, la Fédération du Québec pour le planning des naissances, la Fédération québécoise des organismes communautaires famille, le groupe Maman, le réseau des centres femmes du Québec, le réseau Naissance-Renaissance, le réseau des centres de ressources périnatales du Québec, le réseau québécois d'action pour la santé des femmes et Serena Québec. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup d'organismes communautaires, syndicales aussi, qui sont présents autour de cette coalition. Puis, justement, la coalition regroupe des centaines de milliers de femmes qui demandent de concrétiser la politique de périnatalité 2008-2018, de financer à 100% le développement des services sages-femmes. Donc, justement... Oui, qui d'ailleurs est déplorable parce que pour l'instant, c'est 50% des agences de la santé qui doivent payer et l'autre 50% est payé par le ministère, alors que normalement, pour les soins en obstétrique au Québec, c'est 100% payé par le gouvernement. Alors, pourquoi les services de sage-femme devraient être ainsi faits? Bon, c'est une question qu'on remet en question et c'est pour ça aussi que ces femmes-là sont sorties publiquement, c'est qu'ils veulent que 100% des frais soient payés par le gouvernement. Oui, on veut des enveloppes préservées. On sait que les agences déjà arrivent peu avec leurs enveloppes budgétaires, puis qu'ils sont obligés de couper. Bref, voilà. La coalition, les femmes qui composent la coalition demandent aussi et réitèrent le droit de choisir. Elles veulent des professionnels reconnus et une vision beaucoup plus physiologique de la naissance et de la grossesse. Donc, elles déplorent que le ministère de la Santé et des Services sociaux ils disent qu'il ne peut plus longtemps ignorer que ses propres exigences constituent un frein majeur à l'accessibilité des services de sage-femme et aux maisons de naissance. Elle rappelle que dans des 5 priorités énoncées dans la politique de périnatalité 2008-2018, seul le développement des services sage-femme n'a reçu aucun financement concret. Pendant ce temps-là, il y a des dizaines de millions de dollars qui sont octroyés actuellement pour les services hyper spécialisés en obstétrique. Alors, on vous rappelle que vous pouvez aller sur Cyberpresse, chercher tous les articles qui sont sortis et consulter vos quotidiens sur Internet. Il y a sûrement plusieurs réponses qui vont avoir lieu. Et d'ailleurs, en réponse à l'article du Devoir, il y a une médecin qui a répondu. Je vous invite à aller lire la réaction. Ça s'appelle « Passer de la parole aux actes ». Donc, ça a été paru dans le Libre Opinion du Devoir. Mais juste si je veux juste vous citer une phrase qu'elle a dit dans sa merveilleuse lettre, c'est qu'elle dit « Aujourd'hui, comme médecin spécialiste en santé communautaire, j'affirme avec immense fierté que ma fille est née dans un véritable système de santé à la maison de naissance parce qu'elle a décidé d'accoucher avec une sage-femme à la maison de naissance. Donc, la maison de naissance est un lieu où il fait bon être, où la santé est célébrée, où la maladie est prévenue, bien en amont de ses manifestations et où, comme médecin de santé publique, je refais le plein de confiance en ce que notre société sait collectivement générer de bon, des soignants passionnés par ce qu'ils font et des citoyens accompagnés dans leur douleur et dans leur joie avec respect et savoir-faire. » Donc, l'article est vraiment à aller lire. Donc, je vous invite à aller lire l'article. Donc, peut-être nous parler rapidement du groupe Maman, Véro? Oui, d'ailleurs, le groupe Maman, le temps presse. On aimerait tellement avoir plus de temps avec vous. En fait, vous fait part que le groupe Maman qui a un manifeste à l'égard du droit des femmes qui est présentement en circulation, on vous invite à aller signer le manifeste au www.groupemaman.org/manifeste. Et Annie, donc on peut retrouver sur Facebook, c'est ça, toutes nos... toutes les émissions sur la page connaître-ensemble.com. Donc, vous pouvez aller voir en lien nos émissions. Juste vous rappeler, les femmes qui sont allemandes en fin de semaine ne pourront pas aller accoucher à l'hôpital. Donc, c'était juste une parenthèse. On y reviendra peut-être la semaine prochaine à l'émission. Oui, puis le reste de notre chronique à Actualité internationale vous sera présenté la semaine prochaine avec aussi le thème de la douleur. Merci infiniment à toute l'équipe de l'émission Connaître ensemble et on se laisse sur une pièce de Bernard Adamus. J'ai le deuil au ventre, pis l'empreinte dans le sang. L'allure d'un colosse à vue d'un ouragan. Juste le goût de rien, j'suis pogné d'un quatre coins. Feuilles me tombent d'en face, le vent me fait la grimace. Oh, Acapulco. Chinois, ton corps un all you can eat sur le top de l'Himalaya.